ces prêtres nous prendront pour des cons. Approchez, approchez, bonnes gens, c'est la grande vente de garage de Graceland. Nous avons des poupées Elvis, des chiens Elvis, du savon Elvis, des pilules Elvis, du désodorisant Elvis, des céréales Elvis, un râteau Elvis. Approchez, approchez, riches gens, c'est l'encan pour les œuvres caritatives de Graceland. Nous avons des colliers de perles Elvis, des bracelets en or Elvis, des boucles d'oreilles 14 carats Elvis, des diamants Elvis, des rubis Elvis, du platine Elvis, des Mercedes Elvis, des Ferrari Elvis, des manoirs Elvis. Bye.